Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Mercedes Sosa, la voix de l'Amérique latine. Yo creo que el hecho de mirar alrededor del continente de nosotros. Je n'ai jamais cru que les artistes existaient pour amuser le peuple. Je crois que nous existons pour plusieurs raisons. Oui, bien sûr, pour amuser les gens. Mais l'artiste est aussi un être comme les autres, qui pense et qui a le droit d'avoir une idéologie et, pourquoi pas, d'appartenir à un parti politique. Et pourquoi non, tenir un parti politique. Mercedes Sosa n'a jamais caché son engagement politique. Bien au contraire, elle fait partie des grandes voix, de ces grandes voix de la dissidence qui vont chanter la justice, l'amour et la paix dans cette Amérique du Sud des années 1960, 70 et 80, aux prises avec de nombreuses dictatures militaires. De fait, elle accorde cette entrevue à l'émission Présent en avril 1983, un peu plus d'un an après être rentrée en Argentine, à la suite d'un exil, pour ainsi dire forcé, de son pays natal à la fin des années 70. Mercedes Sosa compte parmi les artistes sud-américains les plus connus de la planète. Elle a chanté à Carnegie Hall, à la Chapelle Sixtine et au Colisée de Rome. Pavarotti, Sting et Shakira, pour n'en nommer que quelques-uns, ont également chanté avec elle. Elle avait une voix unique, aux mille couleurs. Mercedes Sosa, appelée la Negrita, incarnait le talent, l'engagement politique et l'audace. Dans la salle des pas perdus du Congrès, les artistes et les politiciens se sont succédés toute la journée. Le ministre de la Culture a déclaré « Mercedes laisse un grand vide. Elle était notre conscience nationale ». La présidente du Chili, Michelle Bachelet, de passage dans le nord du pays, a salué une des voix les plus vivantes d'Amérique latine. La carrière de Mercedes Sosa débute dès l'adolescence. La jeune fille autochtone aux longs cheveux noirs gagne un concours dans sa province natale de Tucumán. Dans les années 60, elle crée un mouvement musical, El Nuevo Cancionero, qui transforme le folklore argentin en musique populaire. Dans les années 70, elle chantera les grands poètes latino-américains, Pablo Neruda et Violeta Parra. Engagée politiquement dans les mouvements de gauche, elle est arrêtée en 1979, ainsi que tous les spectateurs qui assistent à son concert à Mar del Plata. La dictature lui interdit ensuite de chanter et l'est forcée à l'exil. En 1982, elle revient au pays et donne une série de concerts à guichets fermés au Théâtre Opéra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Pour Radio-Canada, Isabelle Bourassa, à Buenos Aires. Del que estoy amando. La mort de Mercedes Sosa le 4 octobre 2009 plonge l'Argentine dans un véritable deuil national. Ce jour-là, la voix des sans-voix vient de s'éteindre. Et pour nous parler de cette grande dame de la chanson, je reçois Marie-Christine Blais, journaliste, amie de l'émission. Marie-Christine Blais, bonjour. Bonjour, Jacques. On parle souvent de Mercedes Sosa comme de la voix de l'Amérique latine. Marie-Christine Blais, c'est pas rien. Pourquoi ce surnom? Qu'est-ce qu'elle représentait pour les Argentins, pour les Sud-Américains? Elle représente effectivement pour toute la Amérique latine, la voix de la protestante, oui. De ce qu'on appelle aussi, au Brésil par exemple, la canción des protestants. Elle est vraiment la voix, le porte-parole, c'est elle qui va amplifier la voix de ceux qui écrivent pour protester, résister aussi au mouvement de dictature qui, peu à peu, sont en train de prendre le dessus en Amérique latine, mais aussi pour protester contre l'impérialisme, parce qu'avant l'arrivée des dictatures, ouais. Il y a ça aussi, énormément d'impérialisme. Et donc, elle va décider... Est-ce que c'est à son corps défendant? Je ne crois pas. Elle est faite de feu. Elle porte le surnom de la Negra, oui. C'est-à-dire la femme à la peau sombre, parce qu'elle vient justement d'un groupe autochtone, ce qui est très mal vu à l'époque. Et donc, elle devient en quelque sorte le symbole, le symbole, l'icône, avec une voix très grave aussi, une présence sur scène. Pas piquer des ouais. Verres, elle devient vraiment, donc c'est ça, cette voix qui s'élève au-dessus du bruit des armes. Et les gens se reconnaissent, entre elles. Ses origines, c'est important, vous le disiez, on la surnomme la Negra, la Negrita, on l'entendait dans l'extrait aussi. Mm-hmm. Mais, donc c'est ça, son parcours, c'est celui des sans-voix, c'est celui des laissés pour compte. Et évidemment, les Autochtones font partie de cette catégorie-là. Elle est de descendance Aymara, c'est-à-dire c'est un groupe amérindien qui est complètement dans le nord de l'Argentine, pas loin aussi. Ils sont également à l'époque au Chili, en Bolivie. Donc, elle vient de ce groupe. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que je parle du nord de l'Argentine aussi, parce que c'est important dans son histoire. Elle est donc près de la cordillère des Andes, à peu près. Et c'est aussi là où elle est née, à Tucumán, que, par exemple, en 1816, l'indépendance va être annoncée et prononcée dans cet endroit. On est loin, loin de Buenos Aires. Mm-hmm. On est vraiment dans les montagnes, dans le monde rural, et c'est ça qui la fait et qui la façonne. Et comment, de cette lointaine montagne, va-t-elle glisser vers la musique, vers la chanson, Marie-Christine Blais? Bien, vers 15 ans, elle va faire, parce qu'elle travaille un petit peu, là, mais vers 15 ans, elle fait ce qu'on appelle à l'époque un radio-crochet, donc un concours de radio, et sa voix est tellement jolie, elle a tellement... déjà, elle a une présence, hein, et elle gagne ce radio-crochet et ça lui donne l'occasion, justement, d'être entendue ailleurs. On l'entend évidemment à la radio et peut avoir comme ça un contre-disque. Ouais. C'est en quelque sorte, pour vous donner un parallèle avec notre situation, la Pauline Julien de l'époque, mais en Amérique latine, donc qui chante le pays avec passion. Oui. Et ses débuts, en fait, puis son premier disque va en témoigner déjà. Au début des années 60, elle enregistre un premier disque, La Voz de la Safra. Et c'est cette chanson traditionnelle, au fond. Oui, ça veut dire la voix de la récolte. Hein? C'est ça que ça veut dire, le titre. Et ça remet donc au goût du jour ce vieux patrimoine folklorique. Tout à fait. Bajo un sol de madera se yergue el día, ciñendo la cintura del Paraná. Por dentro del verano, mañana arriba, van los hombres del río sobre el caudal. Un rumor palpitante de hombre y semilla hunde en la verde entraña del litoral. El río suelta barca y en las orillas madura un incesante labor frutal. Donc, au début des années 60, Mercedes Sosa enregistre un premier disque, La Voz de la Safra. C'est vraiment l'album qui va suivre, en revanche, Marie-Christine, qui va faire d'elle quelqu'un de connu, d'important, Canciones con Fundamento. Et ça s'inscrit, ce disque-là, ce deuxième disque, déjà le premier, mais celui-là particulièrement, le deuxième, dans ce mouvement qu'on va appeler la Nueva Canción, la nouvelle chanson. Elle sera beaucoup associée à ce mouvement-là. Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, le titre au long de ce mouvement, c'est la Nueva Canción Chilena. Ça vient vraiment du Chili au départ. Et c'est vraiment une volonté des artistes de l'époque de témoigner d'où ils viennent. Donc, par exemple, d'utiliser des instruments traditionnels, des thèmes musicaux traditionnels, un vocabulaire aussi, et de les mêler à des orchestrations beaucoup plus contemporaines pour décrire la situation de pauvreté, par exemple, qui existe. Le fait que les droits fondamentaux sont bafoués, la situation vraiment très difficile des populations plus démunies, qui sont aux prises avec vraiment une situation économique très, très difficile. Donc, il va y avoir des gens comme Violeta Parra, qui est vraiment une des grandes voix de la Nueva Canción, qui va, elle, faire connaître, mais très rapidement, Mercedes Sosa va justement s'inscrire là-dedans et décider de chanter les grands auteurs, les grands compositeurs de son époque qui, eux tous, embarquent dans ce mouvement-là parce qu'il faut faire quelque chose. Les gens souffrent trop. Et par la chanson qui réunit, qui exprime ce qu'on vit, qu'on peut chanter ensemble, ça permet justement aux gens d'avoir enfin une voix. Et celle de Mercedes Sosa est particulièrement forte. Et la chanson qui fera connaître cette voix de Mercedes Sosa, vraiment la chanson qui sera l'étincelle pour elle, c'est justement, vous parlez de Violeta Parra, une chanson qu'elle va reprendre, une chanson à l'origine chantée par Violeta Parra. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo. C'est une chanson qui a été un peu la chanson signature de Mercedes Sosa. C'est un remerciement à la vie, c'est un remerciement pour la musique, les mots, la beauté de tout ce que le monde peut nous donner au milieu de la misère, parce que évidemment, pendant les années 70 jusqu'à 82, l'Argentine a passé par une sorte d'enfer, et elle remercie la vie quand même de lui avoir donné la possibilité, la beauté, la chanson, la musique. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras. L'écrivain argentin Alberto Manguel, qui parlait de cette chanson « Gracias a la vida » à l'émission En direct en 1993, c'est vraiment avec cette chanson-là, Marie-Christine Blais, que Mercedes Sosa se fait connaître internationalement en 1971. Racontez-nous, Manguel en parlait déjà très bien, mais l'importance de cette chanson-là. En fait, c'est sur un disque qui est un hommage au complet à Violeta Parra qu'apparaît cette chanson, qui est très forte, effectivement, par le propos, et surtout parce que Mercedes Sosa en fait quelque chose d'autre. Quand Violeta Parra l'écrit en 64-65, c'est une chanson qu'elle écrit alors que l'année suivante, elle se suicide. Donc, sa chanson est plutôt comme « Adieu la vie, mais merci pour tout ce que j'ai reçu ». Quand Mercedes Sosa la reprend en 71, c'est « L'avenir est à nous ». La beauté et la vie. Merci à la vie de nous permettre d'être encore là et nous allons continuer. Et cette vie et cette beauté de la vie, c'est plus fort que tout. Que tout, exactement. Que la dictature, que les troubles politiques, etc. Voilà. Donc, l'intention est tellement pas la même qu'elle redonne espoir, en fait, aux gens qui voient la situation. En 70, Allende est au pouvoir, mais ça brasse. Ouais. Ça brasse beaucoup. On sent que ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis tout le monde a un peu peur aussi du retour d'ascenseur, notamment des États-Unis, parce qu'il y a un climat socialiste, communiste également. D'ailleurs, on accuse tout le monde de faire partie du Parti communiste à l'époque. C'est ça qui règne. Et donc, la peur est là aussi. Un mot avant d'aller plus loin sur sa voix, cette voix. On l'entend peut-être dans cette chanson, en fait, mieux que nulle part ailleurs, dans ce qu'on vient d'entendre, Gracias a la vida. Parlez-moi de cette voix-là. C'est une voix très grave, comme si du velours chantait. Et c'est une voix qui nous remue. Au-delà de, justement, de la mort et des années, le parallèle pour moi, c'est Ginette Renaud. Quand Ginette Renaud chante, on est touché, quel qu'on soit. Et la différence, peut-être, c'est que, bon, Ginette Renaud chantait « Je ne suis qu'une chanson ». Dans le cas de Mercedes Sosa, elle chante « Moi, je ne suis qu'une opinion », mais vous allez l'entendre, l'opinion, et elle est importante. Et donc, cette voix très grave, qui devient de plus en plus grave avec les années, va vraiment, justement, envelopper les gens. C'est comme si son propos est assez flamboyant et protestataire, mais sa voix est comme une enveloppe toute chaude de Mohair. Alors, du contraste de cela naît, je pense, quelque chose d'inimitable. Lo que puede sentimiento no lo ha podido el saber ni el más claro proceder ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando. Au milieu des années 70, on y revient au contexte politique, forcément, Marie-Christine Blais. Pinochet vient de renverser le gouvernement Allende au Chili. Les militaires viennent de prendre le pouvoir en Argentine. Et Mercedes Sosa enregistre ce duo avec le chanteur brésilien Milton Nascimento. Le Brésil qui est aussi, à ce moment-là, sous le joug des militaires. Bref, c'est une époque de contestation. Et Mercedes Sosa devient, dans les années 70, avec quelques autres compagnons d'armes, ils sont pas tout seuls, ils sont quelques-uns. Non, ils sont plusieurs. L'une des grandes voix de la liberté, mais partout en Amérique partout. Du Sud. Partout. Quand Allende prend le pouvoir en 70, il y a une bannière, paraît-il, au-dessus de sa tête qui dit « Il n'y aura pas de révolution sans chanson ». Et c'est un peu ça qui arrive. Donc, il y a beaucoup de chanteurs. C'est par cet art très populaire qu'est la chanson que la résistance prend forme. Ouais. Et il y a, par exemple, dans ces années, justement, Victor Jara, par exemple, qui se retrouve au Chili, qui est un chanteur très populaire, qui, justement, est un des fers de lance de la chanson de la Nueva Canción, qui va se retrouver enlevée avec 5000 autres étudiants, d'ailleurs, enlevée et transportée au stade de Santiago et qui va être torturée. Et il va finalement être tué. Enfin, on va retrouver son corps criblé de 44 balles. Et c'est vous dire comme être chanteur à l'époque en Amérique latine, c'est dangereux. Ils sont souvent persécutés, ils sont intimidés. On leur fait savoir qu'ils ne sont pas le bienvenu. Ouais. On essaie de censurer leurs chansons, de faire pilonner leurs disques. Parce que cette parole-là porte ces gens-là. Encore une fois, la majorité de la population subit des transformations politiques importantes, des conditions économiques qui sont très, terrible, très difficiles. Oui. Ils n'ont vraiment pas de voix. Et ces chanteurs, ces voix de la liberté, elles portent. C'est une arme et les régimes en place le savent. Donc, on persécute. Elle va elle-même, en 79, Mercedes Sosa, y goûter à cette médecine-là, passez-moi l'expression, elle est arrêtée en plein concert à Mar del Plata. Une partie des spectateurs arrêtés aussi, avec elle. Aussi, oui, oui, oui. Et grâce aux pressions internationales, parce qu'elle est connue très vite, notamment John Bass, par exemple, reprend Gracias a la Vida. Il a fait connaître Mercedes Sosa. Et parce qu'il y a des pressions internationales, elle est libérée. Et puis, elle est quand même obligée de s'exiler à ce moment-là, à Paris d'abord, à Madrid ensuite. Elle continue à chanter, elle continue à enregistrer, à faire des duos, à faire connaître justement la situation de son pays ailleurs, ce qui va lui permettre peut-être de revenir en beauté. Elle va revenir et elle revient au moment où elle sent que le régime vacille, oui. Mais ce régime est encore en place, oui. Et elle revient. L'année dernière, quand je suis rentrée en Argentine, on m'a raconté que lors d'une réunion de militaires, certains avaient demandé qui m'avait donné l'autorisation de revenir. Je tiens à ce que les choses soient très claires. Je puis vous affirmer que je n'ai demandé à aucun militaire l'autorisation de chanter en Argentine. Les Argentins qui vivent à l'extérieur doivent comprendre qu'ils vont retrouver un pays où tout est à refaire. Comme si l'Argentine avait été touchée par une grande catastrophe naturelle. Mercedes Sosa, l'émission Présent en avril 1983, un peu plus d'un an après son retour d'exil. Elle revient donc en Argentine en 1982, Marie-Christine Blais. Mm-hmm. Elle veut, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça avec ce qu'on vient d'entendre, elle tient à être là au moment où son pays va se libérer de cette dictature militaire. Et quand elle revient, elle fait cette série de concerts à Buenos Aires, c'est le triomphe. C'est le triomphe, c'est une héroïne littéralement. Et il ne faut pas se leurrer, si en 82 elle revient, c'est sans doute parce que justement, le pouvoir en place veut montrer, voyez comme nous sommes bons, ouais. Comme nous ne sommes pas des dictateurs, nous accueillons ceux qui protestent et ils ne craignent rien, ils n'ont rien à craindre de nous. Donc, c'est un an à peu près avant la tombée du régime militaire. Donc, c'est sûr que ça s'est arrangé un peu avec le gars des vues pour que ça apparaisse bien. Mais au-delà de ça, elle est vraiment considérée comme, encore là, un espoir vivant. On peut donc effectivement revenir et ne pas être tué et chanter qu'on n'est pas d'accord. Son retour, c'est le début de la liberté. Exactement. Ouais. C'est le début de la fin pour l'Argentine, mais en général, en Amérique latine, il y a vraiment des mouvements qui se font. Et c'est pour cela que elle n'a pas été assassinée. Et c'est la beauté, grâce à la vida, elle est restée en vie pour dire que c'est possible que les choses changent. C'est pour ça qu'elle est aussi importante. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas. Y hablo por la vida, y hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que tú? En 1997, le chanteur français Francis Cabrel, qui est un grand admirateur de Mercedes Sosa, enregistre ce duo avec elle, la chanson qu'on vient d'entendre. En fait, Mercedes Sosa va chanter avec Francis Cabrel, mais je le disais au tout début de l'émission, elle va chanter avec les plus grands. Oui, oui, et puis les plus populaires aussi. En 2009, donc quelques mois avant sa mort, elle va chanter avec Shakira, qu'on n'associe pas nécessairement a priori à la résistance ou à l'affirmation de soi tant que ça, mais effectivement, que ce soit avec Sting, elle va chanter aussi avec John Bass, parce que c'est très important, leur amitié, c'est vraiment, ça nourrit aussi. Là, il y a une vraie parenté. Il y a une vraie parenté dans le protest song, dans le fait d'être le chantre, la troubadour de cette voix qui résiste. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'important qui va mourir en 2009 et vraiment... On est loin de « Don't cry for me, Argentina ». On n'est pas dans Evita Perón, mais le pays est encore plus bouleversé, peut-être, si c'est possible, qu'à la mort d'Evita Perón. C'est-à-dire que pendant 3 jours, tout le pays va être en deuil national. Elle représente vraiment l'Argentine pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense qu'on a tendance à oublier que les chansons ne changent pas le monde. Ce sont les gens qui les écoutent qui changent le monde. Mais pour que les gens écoutent, ça prend des grandes voix qui chantent, des grandes voix qui disent des mots importants. Et c'est justement ce qu'a été Mercedes Sosa, la voix importante des gens considérés peu importants, mais qui sont vous et moi, et qui méritent d'avoir une voix. Marie-Christine Blais, c'est pour ça qu'on vous aime. Hein? Les jeunes auditeurs auront tout compris. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Amie de l'émission, journaliste culturelle, Marie-Christine Blais. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... A la prochaine. Que guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar.